me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le monde civilisé en contexte chinois est-il bordé et borné par les rites et constitué d'un maillage serré de relations de continuité qui se croisent en tous sens, demande la sinologue spécialiste de Confucius, Han Cheng. Dans quel contexte les intellectuels chinois d'aujourd'hui posent-ils la question « Qu'est-ce que la Chine ?» Depuis quand le pays du milieu a-t-il conscience d'être la Chine ? Quel est le continuum chinois ? Et que résument les formules canoniques « Faire du monde entier sous le ciel une seule famille » et « Faire des pays centraux un seul homme ?» Nous débutons aujourd'hui le troisième cycle d'une série au titre large « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde » initiée en 2015-2016 par Han Cheng, titulaire de la chaire « Histoire intellectuelle de la Chine » au Collège de France. À rebours des discours ambiants, ceux des médias et ceux des autorités chinoises sur la Chine, entité autosuffisante selon ses mots l'an passé, la sinologue renoue le fil avec son interrogation pluriannuelle et nous propose, entre guillemets, de décentrer la Chine, de regarder au-delà de son poids économique et géopolitique, de questionner les empires antiques sur la longue durée et un espace circulatoire plus large où s'esquissent les interactions avec les grands voisins, l'Inde et le Japon, mais aussi les pays plus lointains, nous le verrons. Il s'agit d'interroger, nous dit-elle, la prétention chinoise à l'universalité. Ne serait-il pas temps de considérer la Chine dans ses rapports au monde plutôt que comme un monde en soi? Alors que la Chine se projette hors de ses frontières, ne faut-il pas casser cette autosuffisance? Cette prétention à l'universalité a-t-elle un fondement historique, demande encore Han Cheng, alors que la Chine s'est lancée dans l'ambitieux projet One Belt, One Road, selon la traduction anglaise de la volonté de la Chine de ceinturer une partie du monde, et il n'y a guère que le continent américain pour échapper, semble-t-il, à la nouvelle route de la soie qui relie la Chine par voie terrestre et maritime à ses voisins et aux pays plus lointains engagés dans les échanges avec elle. Comment cette nouvelle route contourne-t-elle l'Inde? La question est esquissée aujourd'hui. Dans ce cours et ceux qui suivent, Han Cheng nous offre à la fois un résumé de notions complexes issues des cycles précédents et une introduction aux interrogations de cette année, dont l'Inde, en mêlant de manière sonore et pédagogique des extraits de textes anciens et emblématiques de l'organisation anthropocosmique du pays du milieu jusqu'à aujourd'hui. Nous retrouvons le traité des rites, l'humanisme confucéen, les écrits de Mencius. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 novembre 2017 pour le cours d'Han Cheng, Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde, suite, aujourd'hui, universalité chinoise et espace civilisé. Certains d'entre vous se rappellent peut-être que le cycle de cours précédent s'était attaché à identifier les éléments fondateurs de la civilisation chinoise, ou ce qu'on appelle comme ça, et tout particulièrement ce qui en a constituer le socle et l'armature, à savoir ce que nous avons appelé le continuisme anthropocosmique, dont la culture ritualiste et le culte ancestral en particulier sont parmi les expressions les plus centrales et les plus pérennes. Alors, nous sommes à présent, comme je viens de le rappeler, engagés dans un nouveau cycle qui prend le parti de déplacer radicalement le point de vue et d'envisager cette civilisation chinoise en quelque sorte à partir de son dehors. Et pour ce faire, au fond, quelle meilleure perspective que celle offerte par ses voisins immédiats, à savoir donc le monde indien d'un côté et le Japon de l'autre. Alors, vous constatez à quel point un sujet pareil a une portée actuelle, s'il en fut, à un moment où la Chine se présente et est perçue par le reste du monde comme étant en pleine montée en puissance et en position de faire prévaloir une prétention à l'universalité, donc c'est le premier mot de notre intitulé général, une prétention à l'universalité qu'elle aurait exercée sur sa périphérie pendant des siècles. Donc il me semble que c'est véritablement le moment de nous interroger sur la question de savoir si cette prétention a un fondement historique ou pas. Alors, comme chacun sait, la Chine est actuellement lancée dans un ambitieux projet labellisé « Au bord », donc « One Belt, One Road » en anglais, et en chinois, donc « Yitai, Yilu ». Donc, le « Belt », donc la ceinture, faisant référence à, soi-disant, la route de la soie par voie de terre, l'ancienne route de la soie, et le road, c'est-à-dire la route, faisant référence donc à la voie maritime. Donc l'idée, c'est donc de relier la Chine de manière continue à des pays non seulement voisins, mais de plus en plus lointain pour des échanges qui se veulent, comme on dit maintenant, win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Alors, donc ce OBOR, donc One Belt, One Road, c'est une manière de ceinturer, littéralement, une très grande partie du monde. Jusqu'à l'Europe, à travers toute l'Asie centrale, et une partie du monde africain. L'Amérique latine n'a qu'à bien se tenir. Le jour où le One Belt, One Road va contenir également l'Amérique du Sud et pourquoi pas l'Amérique du Nord, là, je pense qu'on y sera. Alors, ce qui... donc là, vous avez une variante européenne donc de ce topo. Donc là, vous voyez que notre ceinture passe par des endroits comme Urumqi, chef-lieu des Ouïghours, donc d'où la grande nervosité donc du régime actuel sur ces régions, ensuite qui passe par Almaty, Astana, Moscou et qui finit à Rotterdam. Et la route maritime qui passe par Colombo, Nairobi, Djibouti, Port Saïd, etc. Alors, ce qui frappe d'emblée, c'est que ces nouvelles routes de la soie, qu'elles soient terrestres ou maritimes, ont l'air de contourner soigneusement l'Inde. Alors que on pensait que l'ancienne route de la soie avait vocation notamment à relier l'Inde à la Chine, et cette ancienne route de la soie est même censée avoir facilité donc la dissémination de religions comme le bouddhisme, hein, de l'Inde vers la Chine. Alors ceci a poussé l'Inde à essayer de développer son propre hobo. Donc là maintenant, il y a une certaine compétition donc dans ce domaine. Toujours est-il que les événements récents que vous avez peut-être suivis, notamment le regain de tensions frontalières entre l'Inde et la Chine, montrent que la Chine a tendance à confondre un petit peu prétention à l'universalité et ambition hégémonique, du moins au plan régional. Et il me semble que ce sont là autant de preuves de l'importance et de l'urgence donc de mener une réflexion de fond ancrée dans une perspective critique et dans une mémoire historique dans la longue durée. Alors, nous avons entrepris un patient travail d'investigation assez loin des clichés journalistiques et des généralisations hâtives. Et il nous a fallu commencer par évaluer la validité de la vision centrée, centripète, et centralisatrice élaborée par le monde chinois dans son projet civilisationnel. Alors, est-ce qu'il ne faut pas en effet aller au-delà de cette représentation qui, pour prégnante et tenace qu'elle ait été, a été en réalité le plus souvent contestée, notamment justement par les voisins de la Chine, voire contrecarrés par la réalité des faits. Est-ce qu'il est vraiment justifié de parler de la Chine comme si elle avait constitué de tout temps une entité massive, compacte, autoréférentielle et autosuffisante, telle qu'elle prétend l'être aujourd'hui? Est-ce que nous ne devrions pas nous interroger sur les diverses manières dont la Chine a appréhendé, cherché ou non à connaître et à comprendre le monde, à se situer et à se repérer dans un espace plus vaste qu'elle, à entrer en relation ou à être confronté avec des réalités autres, quitte à se trouver ébranlé dans son fondement même, ce qui s'est véritablement passé historiquement. En somme, ne serait-il pas temps de considérer la Chine dans ses rapports au monde plutôt que comme un monde en soi? Nous avons vu que la Chine... la civilisation chinoise a déployé beaucoup d'efforts pour se représenter justement comme un monde en soi. Donc là, il s'agit maintenant de casser donc cette autosuffisance et de voir un petit peu ce qui se passe quand on va au-delà. Alors, ce questionnement est d'autant plus important et d'actualité que non seulement, comme je l'ai dit, la Chine maintenant se projette véritablement hors de ses frontières, mais en outre, vous avez un certain nombre d'intellectuels chinois aujourd'hui qui se sont emparés donc de ce questionnement, et on peut dire que actuellement, aujourd'hui même, les discussions autour de la question de savoir qu'est-ce que la Chine font véritablement rage. Surtout depuis la parution d'un certain nombre de livres, donc notamment de ce professeur de l'université Fudan de Shanghai. Alors, je suis particulièrement intéressée par ces travaux que je suis en fait une ancienne étudiante de Fudan. Enfin, Fudan fait partie de mes alma mater en quelque sorte. Donc, ce monsieur, donc qui s'appelle Ke Zhaoguang, que vous voyez ici en pleine action, donc en train de poser la question, donc. C'est-à-dire pourquoi est-ce que il faut donc connaître la Chine dans le contexte de l'Asie. Donc ce monsieur a publié donc il y a quelques années ce livre qui s'intitule précisément He Wei Zhongguo, c'est-à-dire donc qu'est-ce que la Chine. Et actuellement, donc, le professeur Ke Zhaoguang donc est invité partout dans le monde, mais aussi en Chine, pour parler de cette question. Donc, ici, vous avez l'affiche qui annonce une conférence qui a été faite tout récemment, donc en juin dernier, à l'université de Yunnan. Donc, le Yunnan, c'est une province dans le sud-ouest de la Chine, vraiment aux confins donc de la Birmanie et pas très loin de l'Inde d'ailleurs, où je me trouvais aussi en fait il y a pas très longtemps. Donc vous avez cette conférence qui pose également la question de "今天我们就是为什么要谈论何为中国？Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est important pour nous donc de discuter de la question de savoir ce qu'est la Chine ?" Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir aux travaux de M. Ke Zhaoguang, mais toujours est-il que je voulais quand même vous montrer que cette montée en puissance de la Chine s'accompagne bien évidemment d'un discours officiel, voire d'un discours de propagande de type patriotique et nationaliste, mais aussi, vous avez parallèlement donc un questionnement réflexif qui vient donc de ces milieux d'intellectuels et d'universitaires chinois de Chine continentale. Alors, nous sommes là engagés dans une tâche difficile s'il en fut, puisque la phase préliminaire de notre enquête consacrée aux sources canoniques de l'Antiquité chinoise nous a conduit à l'idée que tout semble avoir été fait pour créer la vision d'un monde parfaitement cohérent et intégré, sans démarcation ni délimitation. Et il semblerait que nous ayons affaire à une civilisation sous-tendue par une conception que j'ai déjà qualifiée de continuiste, dans laquelle le monde humain est dans une relation de continuité avec ce qui le dépasse et l'englobe, à savoir donc l'univers naturel et cosmique, mais aussi le monde numineux, pas lumineux mais numineux, invisible des puissances suprahumaines. Donc là, vous avez un continuum que les sources anciennes ont résumé dans la triade ciel, terre, homme, tian, di, ren, ou encore dans la formule devenue si fameuse qu'elle est désormais un lieu commun, et donc tian ren he yi, c'est-à-dire donc ciel et homme réunis en un seul tout. Donc il s'agit d'un continuisme anthropocosmique à dimension aussi bien temporelle que spatiale. En effet, Tout comme le ciel-terre, l'homme a sa constance, hein, sa permanence, par la transmission continue d'une certaine idée de l'humanité civilisée, de génération en génération. Et c'est là l'idée qui est véritablement au cœur du projet confucéen. Et c'est à ce titre que nous avons pu consacrer justement une année de cours à ce qu'il faut appeler humanisme confucéen, qui s'est construit donc selon des lignes différentes de ce que nous appelons humanisme en Europe. Donc, on pourrait donc résumer la chose en disant que, au fond, le monde civilisé conçu en contexte chinois, qui est bordé et borné par les rites, est constitué donc d'un tissu serré, d'un maillage serré de relations de continuité qui se croisent en tous sens. Et nous avons vu que l'un des fils principaux qui traverse tout ce maillage, c'est ce que les Confucéens appellent la piété filiale. Alors la piété filiale, évidemment, elle englobe bien sûr tout le culte ancestral, et elle englobe également une dimension cosmopolitique dans la mesure où la relation organique, la relation de sang entre le fils et son père sert véritablement de matrice au modèle politique de la relation entre le ministre et son prince et son souverain. Donc là, vous avez en fait à la fois une superposition et un continuum donc entre la relation filiale père-fils et la relation politique du prince au ministre ou du prince au sujet. Et nous avons vu que, au fond, la loyauté du ministre envers son prince n'est qu'une traduction donc et une extension à la dimension politique du sentiment filial donc du père vers le fils. Donc ce processus d'extension se fait dans un continuum mais par étapes qui sont dans un rapport d'homologie, hein, c'est-à-dire que toutes les étapes sont sur le même modèle mais à des échelles différentes. Et si on préfère, nous avons un modèle de cercle concentrique qui prennent leur origine dans la personne, c'est Shen, la personne de celui qui dirige, c'est-à-dire le père ou le prince, qui s'élargit donc à la dimension de la famille, Tia, qui elle-même s'élargit à la dimension du pays, le Kuo, et enfin du Kuo s'élargit indéfiniment, hein, sans limite, vers le monde sous le ciel, le Tianxia. Et vous avez ici cette fameuse phrase du Mencius. Donc je rappelle que le Mencius, en chinois, Mengzi, maître Meng, donc qui aurait vécu au IVe siècle avant notre ère, nous dit donc qu'il y a un dicton qui résume bien la chose dans la formule Tianxia Guo Jia, c'est-à-dire donc le monde sous le ciel, le pays et la famille. Formule que Mencius développe dans la phrase suivante, donc Tianxia zhi ben zai guo, guo zhi ben zai jia, jia zhi ben zai shen, c'est-à-dire donc la racine ou le fondement du monde sous le ciel est dans le pays, la racine du pays est dans la famille, et la racine de la famille est dans la personne donc de son chef, hein, de celui qui la dirige. Donc vous voyez ici que on passe sans solution de continuité, hein, sans rupture, et par extension progressive de la dimension personnelle, hein, de la personne du père ou du souverain, à la dimension familiale, puis à l'échelle du pays, qui elle-même ouvre sur l'espace sans limite du sous le ciel. Donc il s'agit au fond d'une vision fortement centrée, mais donc fortement centripète, mais sans délimitation. C'est-à-dire que quand elle s'ouvre par extension et par cercle concentrique vers l'extérieur, là il n'y a plus de limite. Et en particulier donc les kuo, les pays, ne sont pas donc à concevoir comme des entités fermées et autonomes, mais donc sont, comme le dit le Mencius, la racine de tout ce qui est sous le ciel. Donc sont s'intègrent sans démarcation dans ce qui est sous le ciel. Et selon donc Gejiaguang, donc dont j'ai parlé à l'instant, au moins jusqu'à la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de la dynastie des Song, aux environs de l'an 1000, hein, on la date de 960, donc pour nous l'an 1000 représente quelque chose, donc aux environs de l'an 1000, jusque-là, selon Gejiaguang, donc la notion de Chine, de Zhongguo, n'existe pas dans la mesure où il n'y a pas de conscience de former une entité définissable, délimitable et isolable du reste du monde. Avec le corollaire intéressant que la notion de pays étranger n'existe pas non plus. Et donc selon Gejiaguang, la Chine, au fond, pour résumer de façon un peu simpliste, la Chine n'a conscience d'être la Chine que depuis un millénaire. Autrement dit, ça fait pas très longtemps. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Anne Chang, aujourd'hui Universalité chinoise et espace civilisé. Alors, cette modélisation héritée de l'Antiquité, hein, que je viens de rappeler, se trouve quelque peu transformée et ancrée dans une nouvelle centralité à l'époque Han, hein, au début de l'ère impériale. Je rappelle que les Han, au fond, interviennent au IIe siècle avant l'ère chrétienne, pour consolider donc la constitution de l'espace chinois organisé par, enfin réalisé par les Qin, donc par le premier empereur, hein, et les Han en ayant régné pendant 4 siècles, donc deuxième siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au à la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Les Han ont imposé une nouvelle forme de centralité qui transparaît dans des sources canoniques comme le traité des rites, le Li Ji, dont j'ai beaucoup parlé, que nous avons beaucoup cité, que nous avons beaucoup lu, hein, et que nous lisons encore cette année donc en séminaire. Hein. Et vous avez une formule qui apparaît justement dans ce traité des rites et qui résume bien justement ce que les Han ont prétendu faire, c'est-à-dire de faire du monde entier sous le ciel une seule famille, Yi Tian Xia Wei Yi Jia, et de faire des pays centraux, Yi Zhong Guo Wei Yi Ren, c'est-à-dire de faire des pays centraux un seul homme. Donc là, vous retrouvez dans toutes ces formules, que ce soit dans le Mencius, dans les siècles précédant l'ère impériale, ou que ce soit au début de l'ère impériale, toujours cette même idée, justement, que nous avons un continuum entre la personne et le monde entier, en passant par les étapes de la famille et du pays. Et nous avons vu donc l'année dernière que un certain nombre d'historiens chinois et plus récemment donc un historien taïwanais du nom de Xin Yi Tian ont constaté que depuis l'époque Shang, et ça nous renvoie donc au deuxième millénaire avant la chrétienne, il semblerait qu'il y ait déjà des traces d'une structuration spatiale en quatre orients ou en quatre directions, qu'on appelle en chinois si fang, ou alors en cinq orients ou fang, si on inclut donc le centre. Et cette spatialisation, cette structuration spatiale, traduit dans des figures qui rappellent ce caractère qui se prononce en chinois moderne, mais peu importe, ya. C'est le ya que vous avez d'ailleurs dans le ya zhou, le ya de l'Asie. Donc ce caractère qui est une sorte donc de croix grecque, c'est-à-dire donc une figure carrée avec quatre branches qui partent dans les quatre directions. Et nous avons vu donc l'année dernière, et je rappelle pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, que les cours du Collège de France, enfin la plupart d'entre eux, sont disponibles en ligne, puisque en tout cas c'est ce qui vaut pour ce cours-ci. Ils sont filmés, donc vous avez les cours en ligne avec donc toutes les diapositives que je projette, et donc vous pourrez avoir le détail de ce que je rappelle maintenant en allant sur le site du Collège de France. Alors donc l'année dernière nous avions vu que cette configuration, cette spatialisation qui se modélise de cette façon. Donc, vous avez vous retrouvez votre croix grecque, et si vous l'inscrivez dans le carré, vous obtenez donc un grand carré de 9 cases. Et cette configuration aurait été la base de l'architecture d'un édifice dont l'instauration remonterait au début de la dynastie Zhou, c'est-à-dire autour de l'an 1000 avant la chrétienne, mais qui, selon toute vraisemblance, n'a pris la forme d'une construction architecturale réelle qu'à l'époque Han. Et j'ai nommé ici donc le Ming Tang, cet édifice qu'on a traduit de différentes manières, et la traduction qui prédomine, c'est quelque chose comme le palais de la lumière ou le palais des lumières, en anglais donc the hall of light ou the bright hall. Donc vous avez cette idée que c'est un palais d'où est censé donc émaner la lumière, le Ming. Je rappelle que Ming, c'est ce caractère qui est composé du soleil et de la lune, donc qui évoque la lumière. C'est de là qu'émane la lumière, la luminosité de la puissance royale et son mode de fonctionnement cosmologique. Et donc ce Ming Tang, par justement sa force symbolique, a attiré l'attention et a fait l'objet d'études approfondies donc des plus grands noms de la sinologie française du XXe siècle, que j'ai rappelé l'année dernière, à commencer par Henri Maspero, qui a occupé donc une chaire au Collège de France, ici, Marcel Granet, que tout le monde connaît, et leur héritier, qui est un des plus grands sinologues français vivants, hein, Léon van der Mersch, que j'ai eu le grand honneur d'avoir pour maître en sinologie. Donc ces trois grands noms de la sinologie française se sont justement intéressés à la structure donc de ce Ming Tang, qui est donc composé en fonction de ce modèle de la croix grecque. Et donc pourquoi est-ce que Marcel Granet a pu l'appeler aussi la maison du calendrier, hein, c'est parce que donc le roi ou le souverain, hein, était censé donc circuler d'une salle à l'autre en cercle, hein, selon les saisons, hein, et annoncer donc la nouvelle lune chaque fois, enfin d'une des pièces de cet édifice. Et donc on peut parler d'une circumambulation, hein, du souverain ou du fils du ciel, comme on l'appelait, qui au fond assume et représente dans son corps à la fois l'espace et le temps, puisque au fur et à mesure qu'il se déplace, le fils du ciel progresse à la fois dans l'espace, c'est-à-dire d'un point cardinal à l'autre, selon le plan carré donc de la Terre, et dans le temps, d'une saison à l'autre, en suivant donc la trajectoire circulaire et cyclique du ciel. Et il serait même plus exact de dire que, non pas que le souverain, que le fils du ciel se déplace dans l'espace et dans le temps, mais que l'espace-temps se déploie à mesure qu'il se déplace, que le souverain se déplace. Et on peut dire de cette manière que espace et temps restent totalement indissociables à la façon donc d'une caisse de chars, les chars de l'Antiquité Han que vous voyez représentés dans l'iconographie Han, donc sont des composés d'une caisse donc carrée comme la Terre, surmontée donc d'un espèce de parapluie ou d'ombrelle, un dais circulaire comme le ciel. Et je rappelais aussi que actuellement donc le temple du ciel que vous voyez encore à Pékin est également en fait une structure circulaire comme le ciel, construite sur une base carrée. Donc vous retrouvez ce symbolisme donc à toutes les époques. Et donc ce carré, hein, qui forme un damier à neuf cases, donc ce damier à neuf cases a été repris aussi dans le schéma d'une légende donc attribuée à Yu le Grand, Ta Yu, donc dans un chapitre du Shangshu, c'est-à-dire donc du Shangshu, du Shuting, donc du livre des documents, hein, qui remonte supposément à une haute antiquité, et qui rappelle dans un chapitre l'apport donc de Yu le Grand, donc Yu Gong. Et dans ce chapitre, on nous dit que Yu le Grand, en arpentant l'espace, l'aurait donc délimité en neuf régions ou neuf provinces, c'est-à-dire donc les Jiuzhou ici, donc que vous avez ici. Et donc on peut dire ici, c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer, donc que Hugues le Grand, par ses pas, hein, par les pas qu'il a exécutés, donc en arpentant donc l'espace, physiquement, a au fond déployé l'espace chinois, déployé donc les 9 régions ou les 9 provinces. Et ces 9 provinces en sont venues donc à être représentées schématiquement et symboliquement en damier, donc selon donc le modèle de l'architecture du Ming Tang. Et nous avons vu l'année dernière que au fond, cette structuration de l'espace en carré, en damier, à 9 carrés, hein, donc une figure géométrique la plus stable qui soit, est en outre fortement centrée, puisqu'elle se construit et s'organise autour d'un centre. Hein, et donc ce damier, vous avez ici donc Hugues le Grand en action, donc avec ce geste, ce bras levé, ce geste civilisateur, n'est-ce pas ? Donc et donc ici vous avez justement ces 9 provinces que Hugues le Grand aurait créées simplement en arpentant donc l'espace chinois. Donc nous avons vu que cette structuration en carré à damier a déterminé donc le modèle de l'urbanisation des villes. Vous avez ici donc cette photo prise sur les murailles de l'actuelle ville de Xi'an, l'ancienne capitale impériale Chang'an, où vous voyez donc cette structuration en carré que vous retrouvez donc dans ces avenues de la ville actuelle, donc très très rectiligne, en axes horizontaux et verticaux. Nous avons vu également que cette division en carré et en damier structure également l'espace cultivé des campagnes, puisque donc le mot qui désigne les champs cultivés, c'est ce mot tian que vous avez ici. Donc vous voyez, c'est ce qui est amusant dans l'écriture chinoise, n'est-ce pas ? C'est que, bien loin de moi l'idée que l'écriture chinoise ce sont des petits dessins, mais enfin, de temps en temps, c'est quand même intéressant de regarder comment s'écrivent ces caractères. Hein. Donc vous avez ici donc les champs où vous reconnaissez quand même de manière assez, assez évidente l'idée justement d'un espace, comme par hasard carré, qui est traversé donc par des axes d'irrigation, hein, à angle droit. Hein. Dans l'Antiquité, et là aussi c'est le Mencius qui développe cette idée, alors là l'historicité de ce système dans l'Antiquité est encore à prouver, mais toujours est-il que Mencius nous parle du système des Jing Tian, c'est-à-dire donc de ces champs en forme de ce caractère qui se prononce donc en chinois moderne Jing et qui veut dire le puits. Bon, mais ni la prononciation ni le sens de ce mot n'ont d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est la graphie. Vous voyez ici que Jing délimite donc un carré. Si vous fermez le carré autour de ce caractère, vous retrouvez donc le damier à 9 cases. Je pense que nous avons eu suffisamment d'illustrations justement de cette idée que l'espace est par définition donc par excellence carré et qu'il est civilisé, hein, c'est-à-dire cultivé, hein, habité par l'homme, par l'humain, hein, sous forme justement de quadrillage. Et nous retrouvons donc cette structuration spatiale en carré dans la hiérarchisation sociopolitique. Et là, nous revenons donc rapidement donc à ce chapitre du traité des rites qui s'intitule précisément le Ming Tang Wei, c'est-à-dire donc les positions dans le Ming Tang, dans le palais des Lumières. Nous n'allons pas retraduire ce texte, mais j'ai disposé le texte de telle manière que vous perceviez au moins les effets de parallélisme. Donc, si je résume rapidement donc ce texte, il nous dit que donc le souverain sous les Zhou recevait donc en audience de cour les princes feudataires, les Zhuhou, chacun dans leur place dans le palais des Lumières, dans le Ming Tang. Donc vous avez l'image extrêmement graphique du Fils du Ciel qui se tient donc au centre, et autour de lui vous avez donc le carré. Vous avez d'abord en fait les trois ducs toujours au centre. Donc là, on peut dire que le Fils du Ciel et les trois grands ducs, les trois personnages principaux donc de la cour, forment au fond le noyau dur qui est au centre. Ensuite, vous avez le carré des vassaux, le carré des princes feudataires autour. Donc vous avez les marquis à l'est, les comtes à l'ouest, les vicomtes au nord, les barons au sud, etc. En dehors de ce carré, donc là vous avez une représentation schématique donc de ce que donne ce chapitre du traité des rites. Donc je disais donc sur l'estrade au centre le Fils du Ciel et les trois ducs, ensuite le carré des vassaux. Et en dehors donc de ce carré de la civilisation, vous avez donc ce qu'on appelle les quatre peuplades non chinoises, non civilisées, qui sont en dehors. Donc vous avez les Yi au nord, les Man au sud, les Rong à l'ouest et les Ti au nord. Cette représentation schématique, on a souvent dit qu'elle rappelait donc la graphie de ce caractère chinois. Là aussi, la prononciation moderne importe peu, ça se prononce hui, ça veut dire revenir. Donc la prononciation et le sens n'ont pas d'importance, c'est la graphie ici. Donc vous avez la graphie de ce double carré, donc un carré au centre doublé d'un autre carré à l'extérieur. Alors cet espace carré définit une ère civilisée et donc socialisée, hiérarchisée, fortement centré et orienté, puisque le centre est évidemment fortement privilégié par rapport à la périphérie, mais vous avez également le sud qui est privilégié par rapport au nord, puisque le souverain se tient toujours face au sud. L'est est privilégié par rapport à l'ouest, et ainsi de suite. Donc cet espace est seulement bordé par les marges, qu'on a appelé de temps en temps les quatre mers, mais les quatre mers, en fait, ce ne sont pas forcément des océans, ce sont de vagues confins et marges indéfinies qui sont censées être habitées par les quatre sortes de peuplades non civilisées. Donc c'est Yi, Di, Rong Yi, etc. Alors, donc ce carré des vassaux autour du carré central symbolise au fond l'espace politique chinois, où les quatre orients convergent sur un point de référence unique et central, qu'est donc le Fils du Ciel, qu'on appelle aussi donc le roi. Il m'est souvent arrivé donc d'attirer l'attention là aussi sur la graphie de ce caractère qui est au fond un trait vertical qui relie trois traits horizontaux. Donc le ciel en bas, la terre en haut et l'homme au milieu. Et Wang, donc le roi, c'est au fond c'est cette axis mundi verticale qui relie donc ces trois instances cosmiques. Donc au fond, j'ai voulu vous montrer donc ces deux caractères parce qu'ils résument assez bien donc le double axe, donc l'axe horizontal ici en carré et l'axe vertical qui est introduit donc par la dimension politique. Et donc cette dimension politique, vous la retrouvez justement dans ce schéma qu'on a appelé celui des wufu, c'est-à-dire des cinq zones d'allégeance, c'est-à-dire donc le centre. Vous avez ici au centre le Titu, c'est-à-dire donc la capitale impériale. Et puis vous avez toujours les quatre branches de votre croix grecque qui partent dans les quatre directions et qui inscrivent en fait non pas des cercles mais des carrés concentriques. Et plus vous vous éloignez du centre et plus vous vous éloignez donc de la civilisation. Alors donc vous avez cette schématisation ici, vous en avez une autre ici, mais c'est un petit peu la même chose, hein. Toujours le Wangji, c'est-à-dire donc le domaine royal au centre, et puis par carré concentrique vous éloignez de plus en plus vers la périphérie. Et là aussi, comme dans le texte du traité des rites, on peut en gros distinguer trois grandes zones. Donc vous avez la zone centrale qui est formée par donc le souverain lui-même, le fils du ciel. Ensuite, dans un carré autour de ce centre, vous avez les princes feu de terre. Et puis vous avez ensuite à l'extérieur donc le carré en dehors du carré, de tout le carré, vous avez les peuples des marges. Aux quatre orients. Et ce qui est assez frappant, c'est que vous retrouvez également cette structuration dans cette spatialisation, dans la structuration des relations de parenté. Vous avez ici ce que les Chinois appellent les jiuzhu, c'est-à-dire donc les neuf relations de parenté qui sont structurés selon le même modèle que les wufu, c'est-à-dire les cinq zones d'allégeance. Alors vous avez ici un schéma classique où vous avez ici moi au centre, et ensuite vous avez donc les liens de parenté qui partent dans les différentes directions. Ici vous avez la même chose mais dans une formalisation donc moderne, hein. Ici donc Qishen, c'est-à-dire moi, hein, ego, hein. Et puis ensuite vous avez donc en verticale, hein, donc la lignée directe, hein, c'est-à-dire donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et ensuite vers le bas donc les enfants, les fils, petit-fils, arrière-petit-fils, etc. Et de chaque côté, donc, vous avez donc vers l'est, hein, privilégié par rapport à l'ouest, vers l'est, le côté masculin donc de la parenté, hein, donc oncle, tante, paternelle, etc. Et donc vers l'ouest, hein, donc considéré comme inférieur, la parenté du côté féminin, hein, du côté de la mère. Donc ça, c'est, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait beaucoup intéressé Madame Françoise Héritier, dont nous venons d'apprendre le décès. Donc voilà, donc j'en profite pour saluer sa mémoire. Donc tout ceci a amené les commentateurs contemporains, hein, et je cite ici un autre universitaire chinois, du nom de Wang Miming, qui parle d'un véritable système-monde, hein, au sens où a pu l'entendre Emmanuel Wallerstein, donc, et dans un texte qu'il consacre justement à cette vision cosmologique du tout sous le ciel, ce monsieur Wang nous dit ceci, alors je vous le traduis directement en français, donc on peut considérer que les Wufu, donc ces cinq zones d'allégeance, englobent un système monde déployant différents niveaux de culture qui sont en même temps les extensions de la civilisation irradiant à partir du centre avec différents degrés de proximité orientés vers la civilisation de manière centripète. Toutefois, cette concentricité n'était qu'un aspect de deux aspects mutuellement complémentaires du système. Pour les souverains des Zhou, les cinq zones constituaient un système complexe de relations, un inventaire de peuples et une structure hiérarchique déployée dans le but de connaître, de décrire et de gérer le monde entier sous le ciel, le Tianxia. Il servait à délimiter les frontières culturelles entre le Fils du ciel et les princes feudataires et entre les principautés chinoises et les grands, enfin les autres avec un grand A, à moitié civilisés. Donc ici prédomine au fond l'idée assez tranquille d'un système monde hiérarchisé où chacun est à sa place. Vous avez donc les pays centraux au centre et les autres sur les marges. Mais l'idée que les pays centraux étaient cernés par ce qu'on a très vite appelé, mais je pense à tort, des barbares, et l'idée que les pays centraux devaient constamment se défendre contre ces barbares, hein, alors vous avez tout le mythe de la Grande Muraille, etc., hein, il faut sans doute le nuancer, voire le contester, et certains sont même allés jusqu'à l'inverser complètement. Vous avez certains historiens, je reviendrai la prochaine fois parce que je termine là-dessus aujourd'hui, mais vous avez certains historiens qui se sont demandé si ce n'était pas justement l'inverse. Est-ce que ce ne serait pas finalement cette pression exercée donc par les nomades de la steppe, hein, sur l'espace chinois, hein, qui au fond a assuré la cohésion, hein, et la pérennité justement de cet espace chinois. C'était les cours du Collège de France le 16 novembre 2017. Vous venez d'écouter Han Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, Universalité chinoise et espace civilisé. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Cheng. La sinologue est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius aux éditions du Seuil dans la collection Point Sagesse en 1981, et je rappelle également son Histoire de la pensée chinoise en Point Seuil en 2014. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les différentes façons d'envisager la Chine et la définition de l'être civilisé en Chine par rapport aux autres, en compagnie d'Han Cheng. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.